levé le matin, encore tu dormais. Ton visage l'été n'avait pas changé. Je posais un baiser sur tes joues d'enfant. Je sais que tu en voulais un depuis longtemps. En regardant le ciel et ce soleil gai, je sais que toi et moi, c'est l'éternité. Entrer le soir, avoir manqué de toi, penser à toi à chaque fois, à chaque fois. Mais quand j'allais à Paris, c'était avec toi. Passer mes samedis, c'était avec toi. Rêver que tout le monde rit, c'était avec toi. Quand j'allais à Paris, passer mes samedis, rêver que je suis toi aujourd'hui. Sometimes in the cinema, to say I love you every time for every kind, to dream of you forever. Can't wait to see you walking the street, how to think about you. J'allais alors préparer le café, et j'avais oublié que tu l'avais déjà fait. Au téléphone, tu ne peux pas m'écouter, passer avec toi une soirée, oh juste une soirée. Quand j'allais à Paris, c'était avec toi. Passer mes samedis, c'était avec toi. Rêver que tout le monde rit, c'était avec toi. Quand j'allais à Paris, passer mes samedis, rêver que je suis toi aujourd'hui. Quand j'allais à Paris, c'était avec toi. Passer mes samedis, c'était avec toi. Oui, quand j'allais à Paris, c'était avec toi. Quand j'allais à Paris, passer mes samedis, rêver que je suis toi aujourd'hui. Quand j'allais à Paris, c'était avec toi. Passer mes samedis, c'était avec toi. Oui, quand j'allais à Paris, c'était avec toi. Rêver que je suis toi aujourd'hui.